bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Pour les deux prochaines heures, je m'occupe de la mise en onde, du choix musical, de la recherche et de l'animation avec la complicité de Denis Marchand, Noël Douville et Robert Blanchette. Aujourd'hui à l'émission, nous aurons Guy Leblanc, anciennement de Camel et aujourd'hui décédé. On aura Macro Screen avec une nouveauté italienne, Malcolm Smith des États-Unis. Nous aurons un autre extrait, le deuxième de l'album Fear de Marillion. Une nouveauté aussi de Temporal Chaos Project des États-Unis, Cosmograph d'Angleterre, David Walliman aussi, une nouveauté des États-Unis, Jugend, une autre nouveauté d'Italie. Nous irons faire un tour en Ukraine avec Carfagen et de retour en Italie avec Ingranaggi della Valle, c'est tout récent. Et de Montréal, Your Favorite Enemies. Alors, on débute ça avec Guy Leblanc, qui faisait partie de la formation Camel et qui est aujourd'hui décédé. Il a deux albums à son actif, mais ce qu'on va entendre aujourd'hui, c'est un extrait de l'album thématique d'Edgar Allan Poe. C'est le troisième extrait en deux semaines de cet album qui est très bien fait. Je le recommande à tous les auditeurs. Alors, on va entendre Guy Leblanc. Et ça sera suivi d'une nouveauté italienne, la formation Macro Scream. C'est un groupe qui opère depuis 3 ans. Et on va avoir un extrait de l'album éponyme qui vient de sortir. Et ça va être suivi par Malcolm Smith, un Américain, qui a fait paraître un album en 2014. Malcolm Smith qui collabore, en fait, il y a Mathias Olsen de Englegard qui collabore à cet album-là. Une petite parenthèse aujourd'hui pour mentionner que j'ai vu en spectacle hier Mathias Olsen, il était avec son projet parallèle Necromonkey. C'était dans le cadre du spectacle de Richard Joe Bloom, qui est le guitariste de Beardfish, qui aujourd'hui présentait, c'est-à-dire hier soir, présentait un spectacle solo. Et il y avait aussi Inner Odyssey de Québec qui a très bien performé aussi. Alors c'est un spectacle que je recommande à ceux qui, en fait, qui pourront y retourner si ça revient dans la région. Alors on débute ça avec Guy Leblanc. Thank you. Alors, c'était Malcolm Smith des États-Unis avec la pièce Cavity Research et c'est extrait de We Were Here. C'est un album qui est paru en 2014 avec la participation de Mathias Olsson comme batteur invité. Et ça a été précédé par la formation italienne Macro Scream et on a entendu la pièce de Flying GMP. Ça, c'est paru tout récemment. Et en entrée de jeu, nous avions Guy Leblanc, ce Canadien décédé aujourd'hui, malheureusement, et la pièce The Oval Portrait, et c'est extrait de The Tales of Edgar Allan Poe, paru en 2010. Alors, après la pause, Marillion et Temporal Chaos Project. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On débute le deuxième bloc avec Marillion, avec un extrait de leur nouvel album Fear. C'est paru il y a quelques semaines, en fait une semaine ou deux. Et on a déjà fait jouer une longue pièce et on reproduit ça aujourd'hui avec The Levers. C'est quand même 19 minutes en 5 volets. Et on conclura avec TCP, ou Temporal Chaos Project, avec un extrait de leur plus récent album Temporal Chaos. Alors voici Marillion. Travel, movies that Our life slowly unraveled, like wool pulled from sweaters. We'll knit something new somewhere else, so forget us. We are the levers, you'll stay and we'll travel. You'll know where you are always. We'll be vague in our jumble of days. Never be sure. But be sure of one thing, when the thrills are all done, we'll be gone. Yeah. face is that all-important road. Tightening round my legs, it's that all-important road. As I drift away, fall away, slip away, run away. How long did I wait for the all-important road? How can I keep pace on the all-important road? If I drift away, fall away, slip away, run away. The forest of lovelies where cocaine meets coffee and the cigarette butt. I don't mean maybe, I don't mean just listen to, I mean just get there and be there with us. Not if you're going with calm, simple knowing. If you feel it, resolve if you don't. the forest of love meets with real deal compassion and childlike trust. Travel with patience, don't tire of rotations. Devise repetitions to see what you've got. World in vibration, perceptions, sensations, where everything seems to be something it's not. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'était une nouveauté américaine de TCP, ou Temporal Chaos Project, et on a entendu la pièce Forest of Lovelies, et c'est extrait de Temporal Chaos. Et ça a été précédé de Marillion, un extrait de Fear, leur 18e album studio, et on a entendu de Levers. Après la pause, Cosmograph, David Walliman et Eugen. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute ce nouveau bloc avec Cosmograph, une nouveauté britannique. C'est le groupe qui vient de faire sortir son 6e album studio. L'album s'intitule The Unreasonable Silence et on va entendre une pièce. C'est la 2e ou 3e pièce qu'on fait jouer de cet album-là. Et on va enchaîner avec David Walliman. C'est le guitariste de la formation Public Alchemy et il vient de faire sortir un album solo. Et on va conclure avec du Aereo avant-prog d'Italie et Eugen qui est un groupe qui existe depuis 2006. Alors, eux aussi viennent de faire paraître un nouvel album. Ça s'appelle Death by Water. Alors, on commence ça avec Cosmograph. Shown up for work for 3 days straight. No calls and no explanation. We have a deadline. In 2 weeks, I've got to present the final install to the board, but you haven't finished the code. Joe says you've lost it big time. Look, I don't care what the problem is. You have to get back here and sort this. Call me now. Going nuts. They sent you uploading some weird code to the server.

Alors, c'était la formation italienne Jugend avec la pièce... As a Matter of Breath, et c'est extrait de Death by Water. C'est une nouveauté. Ça a été précédé de David Walliman des États-Unis avec la pièce Savior, et extrait de Evolving Seeds of Glory. C'est très récent. Et on a entendu en début de bloc Cosmograph avec The Uniform Role, et c'est extrait de plus récent album The Unreasonable Silence. Après la pause, Carfagen d'Ukraine, Ingranaggi de la Vallée d'Italie et Your Favorite Enemies de Montréal. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Et oui, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone et on est déjà rendu au dernier bloc de l'émission et on va débuter ça avec une formation d'Ukraine. C'est Carfagen. Carfagen, c'est le projet de Anthony Kalugin, qui est en fait l'équivalent ukrainien de Fabio Zuffenti en Italie. Alors, il est producteur, il a 7 albums à son actif avec Carfagen. Il a aussi un autre projet parallèle avec Hogwash. Il a un site internet de vente d'albums CD de l'Europe de l'Est. Alors, c'est très accompli. Et on va, parmi les 7 albums, on va aller du côté de l'avant-dernier qui est paru en 2014. Ça s'appelle Magician's Theater et on va entendre une pièce, un extrait d'une longue pièce. On va aller avec une nouveauté tout de suite après ça, Ingranaggi de la Vallée. C'est le deuxième album qui vient de sortir, c'est tout chaud. Ça s'appelle Warm Space Blue. On va entendre un extrait et juste mentionner ici que le bassiste de la formation Gobelin agit comme artiste invité. Et David Jackson aussi, de Van de Graaff Janitor, anciennement de Van de Graaff, apparaît aussi. Je pense que c'est sur le premier album et non le deuxième. De toute façon, on va conclure avec une formation de Montréal, Your Favorite Enemies. Je leur connais 4 albums. Et, alors, on débute ça avec Carfagen. Thank you.

Alors, c'était la formation québécoise Your Favorite Enemies. Ça vient de Montréal et le plus récent album, c'est Between Illness and Migration de Tokyo Sessions et on a entendu A View from Within. Ça a été précédé de la formation italienne Ingranaggi della Valle avec la pièce Iola Widow et c'est extrait de Warm Space Blues. Ça, c'est très, très récent. Ça date de quelques jours. Et on a entendu en début de bloc Carfagen, le groupe ukrainien, avec un extrait de l'album Magician's Theater. Et l'extrait, ben, c'est aussi un extrait de la pièce Magician's Spell. Alors, ceci met fin à l'émission. Et je vous invite, ceux qui voudraient retracer les origines de ce qui a été joué aujourd'hui, vous pouvez retourner sur la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et consulter la discographie et la liste des pièces et des artistes. Et vous avez aussi en prime un lien qui vous amènera sur le site archive.org où vous pourrez écouter les émissions anciennes qui ont été archivées, il y en a près de 70. Alors, ceci met fin à l'émission et c'est Jimmy Farley qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.